J'ai le sou dans le bench, j'peux pas oublier. Tu sais, j'ai au bas, c'est pour prier. Ico Casper contre les billets. Pendant que j'papote avec mon cire, je l'ai vendu parce qu'on m'a demandé. Sortez l'off, souris maman beauté. C'est plus l'heure de cogiter. Je recompte le bénéf, j'suis excité. Si ça paye pas, je retourne chercher loin dans le nord, très loin dans le sud, téléphone. Tu crois tout savoir, mais si tu savais comment nos cœurs résonnent. Ego, j'suis dans la merde, demande à mon allemande. Ego, j'suis dans la verte, demande à mon calmant. Tout le monde debout, tout le monde veut place en 6. J'aime pas le décor, je mets mes 5 glaces. 6, ouvre les robinets. J'cours après l'oseille gros miné. J'ai retrouvé la foi, j'ai perdu des frères. J'ai coup de balai devant les bouches de l'enfer. Des QLF on verra si on tombe. J'regarde le ciel, dis merci pour le combat. Ego j'hésite, que Dieu me pardonne si je finis en tête. Fuck tous mes rêves, nique l'imaginaire, vers ce campion, j'roule en pète. La misère a plus de chico, la petite souris dans la masse sous le coussin, quelques clicos. Je reviens chez moi comme Rico, toujours célèbre dans l'impasse. On veut le monde chico. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la cœur. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. Je refais la peinture du frigo en bleu, jaune, vert. On veut notre coin d'herbe, on veut la planète Terre. On veut le monde chico. T'inquiète, on rendra tout ce qu'on acquiert. On veut le monde chico. Ok, j'vois que c'est pute, tu sais c'est tard, toute la journée. J'pense au bif, j'suis pas blindé, j'suis pas coulé. Bah les couilles, ces grosses putains qui voudraient me pépon le dard. J'dois charbonner, j'suis abonné, le frigo vide, j'tape pas des bas. J'pense à la mif, tu sais sa mère, j'pense à les mettre au bord de la mer. Galère pour ça, galette je vends, picard souvent, compte mon salaire. À faire le halal, j'sais que j'm'enfonce, mais bon personne nourrit les miens. J'mets les crampons, j'ai les dents longues, donc chante ma haine, j'nourris ces chiens. Le prends pas mal, mais j'ai pas d'amour. Public j'm'en fous, j'sais qui me lâchera. Aka profite de ce que j'te donne, surveille ta folle, la mode passera. Onga onga, manque pas ça. Mougli jongle, dans la jungle. Onga wawa, nigga wawa. J'vois que tu soques, j'ai rien à craindre. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. J'refais la peinture du frigo en bleu, jaune, vert. On veut notre coin d'herbe, on veut la planète Terre. Ouais. On veut le monde chico. T'inquiète, on rentra tout ce qu'on acquiert. Ouais. On veut le monde chico. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. J'refais la peinture du frigo en bleu, jaune, vert. On veut notre coin d'herbe, on veut la planète Terre. On veut le monde chico. T'inquiète, on rentra tout ce qu'on acquiert.